18-16. Observation. À la maison, chez soi. Quand il pleut, on reste à la maison. On reste chez soi. Bah, je reste chez moi. Tu restes chez toi? Il reste chez lui. Elle reste chez elle. Nous restons chez nous. Vous restez chez vous? Ils restent chez eux. Elle reste chez elle. Pour les esprits curieux et exigeants, notez que « à la maison » veut dire en général « chez nous ». Par exemple, si Marie-Laure dit « Tante Georgette est à la maison », il est probable que Tante Georgette n'est pas chez elle, mais qu'elle est chez Marie-Laure, c'est-à-dire chez les Bellots.